Je t'aime plus que tout. Que tout, c'est plus fort que tout, je ne suis heureux que quand je te vois. Je te suis partout, partout, partout, car vois-tu, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Ma vie est sans joie quand tu n'es pas là. Il n'y a rien à faire, malgré ton caractère. Toi seul as su me plaire. On ne peut pas changer ça. Je t'aime plus que tout, que tout, que tout. Mais toi, tu t'en fous. C'est fou, c'est fou. Je cherche un moyen d'être aimé de toi. Aimer comme ça, c'est formidable. Et ça paraît presque incroyable. J'ai beau être prévenant, tu me dédaignes pourtant. Mais malgré tout, j'ai de la chance. Car grâce à ma persévérance, un beau matin tu m'as dit, chérie, on s'aime plus que tout, que tout, que tout, c'est plus fort que tout, que tout, que tout, on nous voit partout, bras dessus, bras dessous. Je l'appelle mon chou, c'est chou, c'est chou, elle m'appelle mon loup. C'est fou, c'est fou, je crois que dans la vie on tient le bon bout. Pour être heureux sur terre, faut d'abord pas s'en faire. Oublier ses misères, avoir l'amour et c'est tout. Croyez-moi surtout, c'est fou, c'est fou, aimer plus que tout. Que tout, que tout, l'amour entre nous c'est meilleur que tout. Que tout.